À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun et le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektosan 2017 ont présenté respectivement le 4 juillet dans leur home page d'Internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple, avec les photos de l'auteur.